manque un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, RIGFM.fr. Poursuivre quoi ? Poursuivre quoi ? Vous me direz-vous ? Allez, tous en cœur. 1, 2, 3, Johnny de A à Z ! Bienvenue ce soir dans cette émission, la 497e, oui. Et nous sommes le premier mercredi du mois, ce qui signifie, premier mercredi du mois, c'est Johnny Hallyday en live. Et pas n'importe quel live. Je vous ai concocté, en gros, les meilleurs bootlegs de Johnny Hallyday des années 70. Donc, à vos bloc-notes, à vos crayons de papier ou à vos stylos, comme ça vous allez pouvoir noter au fur et à mesure les bootlegs qu'il faut aller chercher au fur et à mesure. Si vous voulez écouter du Johnny Hallyday, ben oui, ben attends, pour l'instant, rien n'est sorti encore dans le commerce de tout ça. Il y a des choses qui nous attendent. Par exemple, on va écouter des versions qui sont passées à la radio. Donc, on se dit que, ben écoute, Universal va s'occuper de venir d'aller les chercher. Et il va frapper à la porte de RTL ou de Europe 1 ou de RMC ou à la rigueur de France Inter. Et puis, il leur dirait, eh, s'il vous plaît, vous n'avez pas ces bandes-là, s'il vous plaît. Mais bien sûr, combien tu me donnes ? Ben bien sûr, ça se passe comme ça. À RIG, non, on n'a rien enregistré, RIG Thierry, on n'a rien enregistré. Et donc, on va écouter ça au fur et à mesure. Mais il y aura aussi des bootlegs qui ont été enregistrés à partir de consoles, de suite de la console, de la sonorisation de la salle. Et puis aussi, donc, des bootlegs, on va dire, personnels, on va dire, hein, amateurs. On écoutera ça tout au long de cette émission pendant plus de 2 heures. Vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Ouais, j'en suis sûr que vous allez vous en régaler. Et on va commencer tout de suite cette émission Johnny Hallyday en live. Johnny de A à Z en live avec déjà. On va commencer par une petite introduction. Johnny Hallyday commençait souvent ses concerts avec une introduction qui durait 3, 4, 5 minutes. C'est le cas de celle-ci. C'était un moucron. C'était le 22 novembre 1975. Bonne écoute tout à tous hein, sur RIG et l'émission Johnny de A à Z. Je n'ai aidé à Moucron, le 22 novembre 1975. On le retrouvera un peu plus tard en cours de cette émission, car nous allons dans l'ordre chronologique de 1971 jusqu'à 1979. Et là, nous sommes lors de la première du Palais des Sports de 1971, exactement le 24 septembre. Il y a près de 51 ans, hein, plus de 51 ans maintenant, mais oui. Voici Johnny Hallyday et l'ouverture du spectacle. Je suis dans la rue. Où se trouve les codis. Dans un berceau de fer, je te fais grandir. La boue, je ne connais pas si je ne fais pas sourire. Le chien est dans la rue, le chien est dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entre les soirs. Et bien souvent, ma mère a travaillé pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Le chien est dans la rue. Je suis né dans la rue. Dans la rue. Hey! Encore plus fort pour la garder. Et tous les gosses de la ville ont me cherché. Mes poings se sont serrés depuis je n'ai pas changé. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Dans la rue. Maintenant je vis plus où les murs sont aujourd'hui. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, tu retournes dans la rue. Je suis né dans la rue. Exactement le 17 décembre et nous sommes à Bruxelles, aux Forêts Nationales. Thank you. toutes. Est-ce que ça va? Mal. Mais il y a une chose qui nous rapproche l'un à l'autre. C'est la musique. Et je suis là aujourd'hui pour vous. Parce que moi j'aime beaucoup, j'aime surtout les filles blondes. En Belgique, c'est pour ça que j'aime bien les filles belges. Et si dans la salle ce soir, il y a une fille qui ressemble à la fille de la chanson, je peux toujours venir me voir après le spectacle. Et je pourrais l'aimer. Et elle pourrait m'aimer. Cette fille, si blonde, si claire, si transparente.

fan club Johnny Hallyday, Josette vous y attend pour les t-shirts, les photos du spectacle. Thank you. Lyon, c'était lors d'un Musicorama européen le 14 avril 1973. On le retrouve tout de suite à Marseille, justement, c'était lors d'une diffusion de RTL. On se marre bien. Voici John Hayday, le 7 juillet 1973. Je ne sais pas très bien quoi faire avec sa poupée d'ailleurs, petite poupée blonde qui ressemble étrangement à Johnny. Elle est toute petite. Il va la poser juste sur le devant de la scène. Voilà. Il lui fait signe de ne pas bouger. Exactement comme s'il parlait à Sylvie. Lui, il s'assied sur le bord de la scène. C'est de la provocation. Ça ne faut pas qu'il s'étonne après d'être attiré quelque peu par les mains des gens. Voilà une chanson qui est extrait des derniers temps de Johnny. Ça s'appelle « J'ai besoin d'un ami ». Pour la sortie, la réédition de l'album Insolitude, peut-être à deux concerts, le concert de Johnny à Lyon, au Palais d'Hiver, et aussi celui du concert de Marseille, donc de radio RTL et Europe 1. On retrouve cette fois-ci Johnny Hayday à Vigneux, c'était le 11 mai 1973, avec le titre Suzy Q. Je sens que ce soir, ça va brûler. Oh, my God. this is a tune. Love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you walk. I love the way you talk. Susie Q. Oh, Susie Q. Du premier live du mois d'octobre, je vous propose donc d'écouter Johnny Hallyday et les meilleurs bootlegs qu'on peut retrouver des années 70. Là, nous sommes à Vigneux. On va continuer avec un autre titre de Vigneux, c'est « Tes tendres années ». Si je la chante encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une de mes chansons préférées. Celle-ci, par contre, je la chante pour toutes les filles se trouvant avec nous ici dans cette salle ce soir. John Hayden à Vigneux, c'était le 11 mai 1974, et donc le concert a été pris à partir d'une console. Et c'est tout pareil comme ce concert-là de Orléans en 1974, le 17 décembre. Sont pris à partir d'une console, mais on entend la voix de Johnny lointaine, lointaine. On aura deux titres, Johnny Rider, et ensuite nous aurons le pénitencier. Vous écoutez RIG. Johnny Hallyday en concert et en mode karaoké, s'il vous plaît, bien sûr. On le retrouve à Narbonne à présent. C'était le 27 juillet 1975 et c'était diffusé par la radio RMC. Donc, est-ce qu'on aura ça un jour ? Narbonne, le 27 juillet 1975. Et on va écouter la musique que j'aime avec un superbe solo de Jean-Pierre Rolling Azoulay. Avant de continuer le tour de chant, je voudrais d'abord vous remercier parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de trouble. Et ça, je crois que j'ai bien. Je crois même que c'est très bien parce que on a eu pas mal d'ennuis ces derniers temps. Et je dois dire que quand il y a des ennuis dans une salle, c'est très mauvais en général pour les spectacles. Et je crois qu'on peut, participer, je crois qu'on peut taper dans les mains, on peut s'amuser ensemble sans qu'il n'y ait de troubles. C'est également gentil pour ceux qui sont derrière, qui risqueraient de ne pas voir le spectacle. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes un public formidable. Merci. J'aimerais également vous présenter mes camarades, les musiciens qui jouent avec moi sur scène. Je crois que ce soir, ils ont autant de plaisir que moi de jouer pour vous. Ils sont dirigés au piano électrique par, bravo, Jean-Marc Barnet de Terre. Et j'ai avec moi depuis maintenant bientôt 7 ans le meilleur guitariste de rock'n'roll, Rolling! Et je crois qu'il meurt d'envie. Est-ce que vous m'entendez derrière? Moi je vous entends pas. Là vous entendez? Je crois que Rolling il a envie maintenant de vous jouer le blues! Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct de Narbonne Plage pour cette fabuleuse rencontre Johnny Hallyday, Sylvie Vartan en exclusivité pour Radio Monte Carlo, un concert gratuit. Et en ce moment, Johnny Hallyday est en train de s'amuser à la guitare avec son guitariste favori qui s'appelle Rolling, on l'a entendu. Et c'est Rolling d'ailleurs qui joue le blues, c'est une musique qu'il aime beaucoup. Et si ma mémoire est bonne, c'est une très très longue introduction à une chanson que Johnny aime tout particulièrement, qui s'appelle La musique que j'aime. Vous savez qu'il a un faible pour le blues, il aime d'ailleurs beaucoup toutes les musiques américaines. Et là, je crois que Ce soir, il fera un malin plaisir à prolonger cette introduction et à laisser venir une certaine ambiance dans le public, une certaine chaleur, pour qu'au moment crucial, il puisse entamer la chanson. J'ai mes peines et tout ça, ça me vient le mieux. Je le chante autant que je l'aime et je le chanterai tous les jours. Momentanément la France pour aller en Belgique du côté de Moucron. Oui, du côté de Moucron, c'était le 22 novembre 1975 également. Deux titres, Dégage et I Got a Woman. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Tu es un retour au-dessus de

But you know I got a woman way out of town. Good to me. Oh yeah. She's there to help me when I'm in need. She's the kind of woman in me. I got a woman way out of town. Good to me. Well, she's all right. Well, she's all right. Oh, she's all right. Well, I got a woman. Oh, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Don't you know I got a woman? Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I got a woman? Well, she's all right. Well, I got a woman. I got a woman. I got a woman. I got a woman. Toujours avec cette spéciale Les meilleurs bootlegs des années 70, avec cette fois-ci, nous sommes en 1977. Un petit mix de deux chansons, hein, de, enfin, du moins deux spectacles, celui de Saint-Tropez et celui de Cannes en 1977. Et le titre, Né pour vivre sans amour. Tous les jours, depuis le mois de juin, nous faisons une file par soir. Nous avons la chance de faire. Dans chaque ville, des publics différents. Des publics de chaque ville, des publics qui sont en vacances. Des publics qui viennent en vacances, là. Et je peux dire que il n'y a aucune différence de toutes ces villes, car ils ont été tous les jours jusqu'à présent aussi formidables que vous. Merci. Oui. On va vous présenter ceux qui font partie de ce spectacle, ceux avec qui je partage, pour la plupart depuis 10 ans, pour d'autres depuis moins longtemps, avec qui je partage 80% de ma vie, messieurs mes musiciens. Depuis maintenant 3 jours, problème dans ce spectacle. Mon batteur habituel de cet orchestre, à la suite d'une tournée en Afrique, est tombé malade, il a attrapé la malaria et n'a pas pu venir jouer avec nous. Aussi, comme nous avons quand même tenu à faire ce spectacle, au pied levé comme ça depuis maintenant le troisième spectacle, le batteur du groupe Magnum a bien voulu me remplacer sans connaître, je veux dire, les morceaux. Je veux dire qu'il a beaucoup de talent car il est bien arrivé. Monsieur Jean-Pierre Prévotat. Avec moi maintenant depuis bientôt 10 ans à la guitare, mon ami Ronnie. En guitare basse, Gérard Mandon. Thank you. Cozonel. Dans les choristes, nous avons à votre gauche Jacques. C'est chaud, hein? Les arrangements de l'orchestre ont été écrits pour le palais des sports, ensuite pour cette tournée. Ils ont été écrits par quelqu'un qui dirige cet orchestre, qui est au piano, qui s'appelle Monsieur Marley. Exceptionnellement, je vais vous présenter le chanteur. Et on reste toujours, on reste à Saint-Tropez. On retourne à Saint-Tropez. On va retrouver Jean-Pierre Prévotard à la batterie. Avec deux titres, toujours à Saint-Tropez, Gabriel et Johnny revient. We'll be right back. lancé en 1978 lors de cet hiver. Nous sommes exactement le 21 février 1978 à Sorgues. Et Johnny interprète pour cette tournée d'hiver « Tant pis, c'est la vie ». C'est folie, j'entends quand même bien, j'ai compris, c'est la vie. Tu t'en vas, surtout les bons cadres mots, que j'ai eu raison ou tort, oh oui, c'est la vie. Exactement, là nous partons du côté de Béziers le 12 août 1978 et évidemment diffusé par Europe 1. Ou badaud, j'ai dit celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Et éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne veux pas envoler, changer. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable

le dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. C'est à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs. Avec une voix qui grince comme un garant de sécurité. Chaque mot est un mensonge de ta vie, un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Et tu ne sers pas de souvenir. Pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang, les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves, et maintenir le rat des mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Qu'elle sert pas de souvenir. Le 13 août 1978 à Palavas-les-Flots, avec deux titres pour ce soir, Un coup pour rien et La fille du square. On écoute ce soir de cette émission Johnny de A à Z, la 497e pour ce live d'octobre, les meilleurs bootlegs, je dirais. Pour moi, parce qu'il y en a de très très très très mauvais, j'ai besoin de passer les meilleurs en qualité son. Johnny à Palavas, et c'est dans l'émission Johnny de A à Z. Voilà plus les mains à la coup de pied. J'avais déjà la queue de poète à la queue montée. C'est plus la queue de la chance. Je chante à la queue pour rien. J'avais reçu la queue au cœur, à queue défendu. Je suis écrit. C'est tout le pour l'amour. C'est un peu. Un coup pour rien. Je veux dire que j'en ai marre. Ah ah. J'ai tout le temps de la vie. Oh oui. C'est fini les coups de femme. C'est un coup pour rien. Je vais passer un coup de vent. De mon coup à mon lit. Tu as fini le père du tout.

chansons d'amour. Si je les chante, c'est que j'y crois toujours. Et quelquefois en rentrant, on revient le jour. Si parfois j'ai le cœur un peu trop lourd, c'est pour la fille du premier soir. Il me disait un jour tu seras un grand musicien. Où es-tu toi, la fille de soir? Où es-tu toi qui croyais en moi quand je n'étais rien? Pour la fille du premier soir, qui me disait un jour tu seras un grand musicien. Où es-tu toi qui croyais en moi quand je n'étais rien? La fille du premier soir. Où es-tu toi, la fille du soir? Où es-tu toi qui croyais en moi quand je n'étais rien? On reste toujours dans le sud de la France. Et là, nous sommes du côté de Marseille. C'était lors du des sessions, on ne sait plus trop, 19 juillet 1978. Mais en tout cas, c'est avec ce medley Rhythm and Blues. Est-ce que vous êtes prêtes? Jeune nuit ce soir dans cette émission Johnny de A à Z, spécial bootlegs des années 70. J'essaie de vous présenter les meilleurs, bien entendu. Hein, et là, on va retrouver Johnny Hallyday un an plus tard à Marseille. C'était le 17 juillet 1979. Et avec ce titre et une orchestration spéciale à la fin du morceau, Si j'étais un charpentier. Thank you. En 1979, et nous allons du côté de Roubaix. Voilà, on quitte Marseille, on va à Roubaix, voilà, sud, nord. Et on retrouve John Hallyday en début de tournée d'hiver en 1979, le 6 février. On va le retrouver pour un petit. Deux titres rock'n'roll. Je vais vous présenter ceux qui m'accompagnent sur scène. Je vous présente, monsieur le musicien. Sont écrits. Le trombone par Jean Costa. De cette soirée, de cette émission 100% bootlegs des années 70. Avec le bon temps du rock'n'roll. sensation de cette émission 100% bootlegs des années 70. J'essaie de vous présenter les meilleurs bootlegs que j'ai en ma possession. Et puis voilà, donc vous faire découvrir un peu tout ça, voir un peu tout ce qu'il pourrait sortir également prochainement dans le commerce. Peut-être, du moins, tout ce qui est édition radio, tout ce qui a été enregistré par les radios. Je remercie toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission également. Et pour la 500e, vous aurez des nouvelles très prochainement. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.